cœur se meurt, c'est loin de toi. Mon cœur et ma voix ne chantent pas, c'est mon âme qui pleure. Et mes drames invisibles, et mes larmes indicibles, mes mains ne tremblent pas, mes yeux ne cherchent plus. Pourtant, nous étions amoureux. Pourtant, nous pourrions être heureux. Je me souviens parfois, quand je me trouvais dans tes bras, tout semblait si beau avec toi. Quand te reverrai-je enfin? Et tous ici ne me croient que jolie. Ils ne connaissent pas les remous de ma vie, les vagues à l'âme, les larmes et les drames sont cachés dans mon corps comme un sinistre trésor. Pourtant, nous étions amoureux. Pourtant, nous pourrions être heureux. Je me souviens parfois, quand tu fredonnais avec moi, tout semblait si doux dans tes bras. Quand te reverrai-je enfin? Ton cœur se meurt, c'est loin de moi, mon cœur. Et je n'entends plus ta voix, tout s'est éteint autour de moi. Je chante pour toi, même si tu n'es pas là. Et je t'envoie les mots d'autrefois pour que tu n'oublies pas qu'avant nous étions amoureux. Qu'avant nous pouvions être heureux. Souviens-toi quelquefois, quand tu t'es levé contre moi et que tu me parlais tout bas, quand tu m'appelais mon cœur, quand on s'imaginait nos vies, quand l'un contre l'autre blottit, on ne craignait que la pluie, et quand nos âmes et quand nos mains emmêlées de ces jours, souviens-t'en pour toujours.